Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les contributions financières qui sont en train d'être collectées pour les élections sont destinées aux échéances de 2020. Cette précision a été donnée hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Pierre Claver Ndayichalié déclare par ailleurs que l'autorité gouvernementale compétente pourra annoncer le moment venu quand ces contributions ne seront plus nécessaires, compte tenu des prévisions de la CENI. Et dans la série de reportages que nous consacrons cette semaine à la célébration de la Journée internationale de la femme, aujourd'hui nous parlons des femmes qui parviennent à faire vivre leur famille en faisant le travail des aides-maçons. Et les amateurs de football en Provence Ngozi réclament l'autorisation d'assister debout au match international qui se joue cet après-midi au stade Rukundo de Bouillé et qui opposera Olympic Star de Muyinga à El Hilal du Soudan. Les 5000 places assises sont jugées insuffisantes. Apollinaire Muzagara est en ligne depuis Ngozi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, les amateurs du jeu de football de Ngozi et des environs se lamentent des prix qu'ils estiment élevés des tickets, de la limitation des places pour le match qui oppose ce mercredi au stade Rukundo de Bouillé dans la dite Provence, les équipes Olympic Star de Muyinga à El Hilal du Soudan. Pas mal de spectateurs disent qu'ils aimeraient y assister, mais parlent d'une faible capacité d'accueil de ce stade, estimé seulement à 5000, alors que les amateurs du ballon rond sont nombreux et qu'il n'y aura pas de spectateurs debout. Apollinaire Muzagara. Ce stade de Rukundo de Bouillé, en commune Mumba de la province Ngozi, totalise 5245 places assises en tribune d'honneur. Le ticket d'entrée coûte 100 000 francs pour 20 000 à 10 000 francs pour les tribunes A, B, C, D, E et F couverts. Pour les places assises non couvertes, le ticket s'achète à 5 000 francs. Sur chaque ticket se trouve le numéro de la chaise à occuper. Tout spectateur doit être protocolé jusque dans sa place pour éviter le désordre, souligne le comité d'organisation. Beaucoup d'amateurs de ce ballon rond aimeraient assister à ce match qui oppose El Hilal au Bet du Soudan du Nord et Olympique Stade du Burundi, mais certains disent que les prix des tickets sont chers. D'autres disent que les 5000 places qu'a ce stade ne suffisent pas pour contenir les amateurs du football des provinces du Nord en général et de la province Muyinga en particulier, province de cette équipe burundaise Olympique Stade. Il y en a qui préfèrent à cet effet les laisser occuper les espaces sans chaise afin d'assister à ce match et tenter pour plus de sécurité selon le comité d'organisation. Le stade de Bouillé sera fermé dès 14h. Les joueurs soudanais sont depuis 3 jours dans un luxueux hôtel de Bouillé à quelques 50 mètres de ce stade. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Deux grenades défensives ont été saisies par les militaires dans un ménage de la colline de Chamhazi en commune de Muruta de la province Kayanza ce mardi. Elles sont pour le moment gardées par ces militaires de la position de Chamhazi en attendant des enquêtes. Le chef de ménage d'où ont été saisies ces armes a pris le large, selon la police. Le directeur général de la culture au ministère de la jeunesse et des sports dit que des mesures peuvent être prises à l'endroit du Burundi Events s'il s'avère que cette organisation prépare mal la compétition Miss Burundi. Léonard Sinzinghayo ajoute que c'est un événement qui doit être soutenu, raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse va accompagner la fille qui va être élue pour l'édition de 2018. Suivez Léonard Sinzinghayo. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est là pour soutenir ce genre d'activité parce que c'est une activité très très importante qui assure le rayonnement culturel du Burundi et qui assure la visibilité du pays tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. L'édition de 2017 a été entachée de quelques irrégularités de la part de Burundi Event. Quel est votre suivi en tant que membre du ministère? Je ne suis pas au courant de ces irrégularités. On n'est pas vraiment partie prenante de l'organisation technique de l'événement. Mais s'il advenait qu'il y ait un travers dans l'organisation de l'élection Miss Burundi, le ministère n'hésiterait pas à donner les sanctions qu'il faut. Nous sommes là pour voir si effectivement l'événement est organisé dans la transparence et dans la légalité qu'il faut. Cet événement se limite exclusivement à l'élection de Miss Burundi au lieu d'accompagner les activités de Miss Burundi au-delà de l'élection. Ce qui fait que nous allons faire un effort pour nous inscrire dans la logique d'accompagner les activités de Miss Burundi même après l'élection. Léonard Sinzinghayo s'exprime après qu'il ait été remarqué quelques irrégularités dans l'organisation de l'édition 2017 de Miss Burundi au sein de Burundi Events. Ils avaient indiqué que ces irrégularités sont dues au désengagement de dernière minute de certains sponsors lors de l'édition de 2017. La radio de l'avenir. Les femmes burundaises en général et celles de la communauté Batwa en particulier participent à la construction de leur pays si elles parviennent à changer de mentalité. La vice-présidente de l'association Unissono pour la promotion des Batwa appelle les parents Batwa à ne plus interdire aux filles d'aller à l'école pour ne plus laisser la place à la marginalisation. Suivez Imelde Sabu Chimike et les vice-présidentes de l'Uniproba. Les femmes doivent contribuer au changement de leur vie, puisque le changement d'une personne commence par soi-même. Chacun doit fournir ses efforts, doit donner sa contribution pour qu'il y ait le changement. J'invite toutes les femmes burundaises, particulièrement les femmes Batwa, de se sentir comme d'autres femmes burundaises, que les femmes Batwa aussi sont capables de faire quelque chose. J'ai un message aussi aux parents Batwa de sensibiliser et de faire inscrire ses enfants à l'école, puisque aujourd'hui, il y a peu de Batwa qui ont terminé les études, mais le taux élevé, c'est pour les garçons ou les hommes, mais le taux des femmes est encore bas. Aussi, j'invite les filles Batwa d'aller s'inscrire pour participer à la police nationale ou la défense nationale, puisque elle aussi peut passer les examens exigés pour être retenue dans ses corps. Et la fille Mutwa aussi, si elle termine ses études, elle peut travailler et contribuer au développement du pays. La radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, nous parlons agriculture avec le ministre Deogui de Rurema qui se trouve à l'Assemblée nationale pour des questions orales et c'est à propos des fertilisants. Et la rédaction a envoyé Mireille Kanyangé pour cela. Mireille Kanyangé, vous êtes à Kigobe. Quelles ont été les préoccupations des députés à propos de ces fertilisants qui apparemment manquent dans le pays? La principale motivation de ce projet de loi, comme l'a indiqué le ministre Deogui de Rurema, est qu'à l'heure actuelle, différents produits sont fabriqués, raison pour laquelle il est indispensable d'avoir des pesticides respectant animaux, végétaux, santé humaine ainsi que l'environnement. Le ministre Rurema a indiqué que la politique des pesticides au Burundi requiert une réglementation en matière d'entrée de ces pesticides, de leur utilisation ainsi que de leur destruction. Oui, est-ce que à l'heure actuelle, les députés auraient émis leurs inquiétudes quant à ce projet? Oui, pour le moment, les parlementaires sont en train de poser des questions évidemment relatives à ce projet de loi, mais d'ores et déjà, le président de la commission permanente à l'Assemblée nationale de l'agriculture et de l'élevage, Honorable Bernard Ndaïsenga, a précisé que lors des descentes de cette commission, les agriculteurs n'ont cessé de réclamer plus de disponibilité des pesticides à un coût subventionné comme les autres intrants, notamment les engrais chimiques. Sur ce, le ministre Rurema a affirmé que la pression parasitaire est l'une des causes de la chute des rendements, sans oublier les pertes enregistrées au niveau des denrées stockées. Ainsi, le ministre Deogui de Rurema a poursuivi en disant qu'après ce programme de subvention des engrais chimiques qui a été adopté, ainsi que le programme de subvention des semences, pour le moment, c'est le tour des produits phytosanitaires et qu'une stratégie ad hoc est en cours d'étude. Merci Mireille Kanyangé en direct depuis le Palais des Congrès de Kigobe. Vous étiez au téléphone avec Aubin Niyonguru. Les femmes et filles qui travaillent comme aides-maçons sur les chantiers disent que ce travail les fait vivre avec leur famille et certaines d'entre elles qui se sont confiées à la radio Isanganiro, là où elles travaillent, sur un chantier se trouvant dans le quartier asiatique à mairie de Bujumbura, témoignent. Parmi elles, Béatrice Niziguimana, la cinquantaine, est mère de 10 enfants. Elle affirme qu'elle arrive à payer le minerval de l'un de ses enfants grâce à ce travail. Ces femmes appellent les autres à rompre avec la fainéantise. Et c'est un reportage réalisé dans le cadre de la célébration ce jeudi de la journée mondiale dédiée à la femme. Gertrude Mawenayo a rencontré ces femmes et de maçons. Voici son constat. Et celle de Béatrice Niziguimana, une femme aide-maçon sur un chantier du quartier asiatique à mairie de Bujumbura. Elle dit qu'elle a 10 enfants et âgée de 51 ans, mais qu'elle fait ce travail sans difficulté. Oui, je peux le faire. Sinon, je ne serais pas ici. Je suis âgée de 51 ans. Je ne cesse de dire à ces autres femmes qui passent la journée dans les rues à mendier, alors qu'elles sont capables de travailler, d'utiliser leurs mains. Je me rappelle qu'un jour, mon chef a appelé les femmes mendiantes à me prendre pour modèle. C'était juste tout près et j'avais un enfant sur le dos quand on était sur ce chantier. Il leur a dit que le mieux serait qu'elles viennent chercher à faire comme je le fais. Odette Nshimirimana, une autre jeune femme âgée de 28 ans, elle aussi travaille comme aide-maçon. Elle affirme qu'elle est capable de faire n'importe quel travail qui se fait là sur le chantier. Oui, j'en suis capable et ça m'aide dans ma vie quotidienne. Quand vient le moment de porter du sable sur la tête, celui de faire l'aide-maçon, puiser de l'eau, distribuer du ciment pour le béton, tout ça j'en suis capable. Sur le même chantier, des jeunes filles âgées de 15 et 16 ans, ils travaillent aussi comme aides-maçons. Riporat Chugwedimana, 16 ans, affirme qu'elle peut s'acheter des vêtements et d'autres choses qu'elle a besoin quotidiennement grâce à ce travail. Ces femmes appellent les autres femmes à ne pas croiser les bras, chose qui peut les entraîner à adopter de mauvaises habitudes comme le vol, la prostitution et la mendicité, mais plutôt de travailler parce qu'elles ont de la force. 3500 francs bout et le salaire journalier que ces femmes gagnent. Gertrude Mawenayo, je vous l'avais dit dans les titres, les contributions financières qui sont en train d'être collectées pour les élections sont destinées aux échéances de 2020 et non au référendum constitutionnel de mai prochain. Cette précision a été donnée par le président de la Commission électorale nationale indépendante dans l'après-midi de ce mardi au cours d'une réunion avec les partenaires électoraux sur les préoccupations des participants quant à la mise en place des commissions électorales au niveau des communes, notamment si concerne la diversité politique. Pierre Claver Ndayicharié a expliqué que sa commission a subi une pression sans précédent lors de la mise en place de ces structures. Charles Makoto a suivi cette rencontre pour nous. Voici son reportage. Dans son discours introductif, Pierre Kavendaï-Charié, président de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué que le référendum constitutionnel est un droit reconnu à tout peuple, de quoi satisfaire la députée glorieuse Nimenya du parti présidentiel. Satisfaction partagée par la coalition Amizero ya Barundi quant à la mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes, avec une nuance de taille quant à la mise en place de ceci, commission électorale communale indépendante. Le député Pierre-Célestin Dikoumana se demande si toutes les partis politiques auront le même droit d'accès à la population. Je vous félicite d'avoir mis les CEPI qui respectaient plus ou moins la diversité politique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la mise en place de ceci. Et de là naît ma première question. Quelles sont les garanties pour le respect de la diversité politique lors de la mise en place des membres des bureaux de vote? Pouvez-vous nous rassurer que les partisans du oui et ceux du non auront même accès à la population pour expliquer leur position? À ce sujet, le président de la CENI, conseil des hommes politiques, a sollicité l'autorisation de l'assemblée à temps, mais reconnaît toutefois que la mise en place de ceci a été caractérisée par une pression jamais vue auparavant. Nous pouvons citer des noms, des responsables venant de diverses institutions qui ont pesé négativement sur le processus de mise en place de ceci. Et nous espérons que la CENI, les CEPI qui vont suivre ou les CEPI ne vont pas subir les mêmes pressions. On a observé un phénomène qu'on n'avait jamais connu, ni en 2010, ni en 2015. L'ambassadeur de la France au Burundi, Laurent Delarousse, s'interroge quant à lui quant aux contributions financières des élections. Sur le budget de ces élections, est-ce que vous avez des indications chiffrées, combien ça va coûter et où en est-on de l'effort de financement national qui a été choisi par les autorités burundaises? Au président de la CENI de répondre que cette contribution concerne les élections de 2020. Les contributions des citoyens qui tombent aujourd'hui concernent 2020. Je peux vous révéler que dans une séance hier avec une structure gouvernementale compétente pour le dire, très prochainement, on va commencer à annoncer périodiquement combien est déjà tombé. La même communication, je peux vous le dire, annoncera par rapport à ce que nous prévoyons en 2020, quand est-ce qu'il faudra dire le montant souhaité, il est là, on peut arrêter les contributions. Cette rencontre a vu la participation des représentants des partis politiques, des membres de la société civile, ceux des confessions religieuses et les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura. Merci Charles Makoto. On termine ce journal par cette mise au point de la deuxième vice-présidence de la République qui tranquillise les fonctionnaires de l'État qui ont suivi les formations du soir. Il n'y a pas de mesures restrictives que l'on envisage contre eux. Le chargé de la communication Isidore Nilameba réagit après qu'une lettre ait été envoyée au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lui demandant une note complète qui montre les employés de la fonction publique ayant suivi les formations du soir. Il dit que ce n'est pas dans le but de ne pas reconnaître la validité des diplômes sanctionnant ces formations. C'est plutôt, dit-il, pour restructurer ce système d'enseignement qui pourtant doit continuer. Suivez Isidore Nilameba, il est chargé de la communication à la deuxième vice-présidence de la République. L'intention du gouvernement est de mettre sur pied une réglementation qui va guider ces formations, quitte à ce que ce soit du côté gouvernement, l'employeur, que ce soit du côté des bénéficiaires de ces formations, personne n'en souffre. Je tiens à préciser que le gouvernement n'a aucune intention de suspendre ces formations, ni de renier ou refuser la reconnaissance à ces diplômes, mais c'est plutôt une démarche qui est en cours, où le gouvernement est en train de collecter toutes les informations nécessaires en vue de mettre en place une réglementation qui va résoudre toutes les questions ou les défis liés à ces formations. Comment expliquer que les formations du soir sont irrégulières? Irrégulières dans le sens où certains étudiants qui suivent ces formations sont censés être au travail. Et puis certains enseignants, certains professeurs qui dispensent aussi ces formations ont d'autres responsabilités qui leur sont confiées au quotidien. Donc, le gouvernement est en train de trouver une solution qui permettra aux bénéficiaires de ces formations de suivre des formations complètes, mais en même temps, au gouvernement de ne pas continuer à perdre des ressources. Celui qui a reçu son diplôme, c'est son diplôme. Mais le problème, c'est qu'ils veulent en profiter pour exiger des avantages. Au contraire, ces diplômes leur seront très utiles dans la compétition quand il s'agit des vacances de poste où ils peuvent postuler et gagner ces postes parce qu'ils ont les capacités requises. En attendant peut-être de nouvelles mesures, est-ce qu'on peut dire que les formations du soir sont à suspendre? Non, écoute, les formations du soir ne sont pas à suspendre ni à stopper, mais ces formations ont besoin d'une réglementation. Isidore Nilameba, c'est le chargé de la communication à la deuxième vice-présidence de la République. Et c'est sur ces propos que nous bouclons ce journal. En vous rappelant que les contributions financières qui sont en train d'être collectées pour les élections sont destinées aux échéances de 2020. Cette précision a été donnée hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Pierre Claver Ndayichari a déclaré par ailleurs que l'autorité gouvernementale compétente pourra annoncer le moment venu quand ces contributions ne seront plus nécessaires, compte tenu des prévisions de la CENI. Oui, vous l'avez suivi dans la série de reportages que nous consacrons cette semaine à la célébration de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, nous avons parlé des femmes qui parviennent à faire vivre leur famille en faisant le travail des aides-maçons. Et les amateurs de football en province Ngozi et les environs réclament l'autorisation d'assister debout un match international qui se joue cet après-midi au stade Urukundo Dobouyé et qui oppose Olympic Star de Moyinga à El Hilal du Soudan. Ils estiment que les 5000 places assises sont jugées insuffisantes. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Il a été mis en onde par Eli Kadogo. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco Ndouimana, en bon après-midi. Journée internationale de la femme, Journée internationale de la femme. Le 8 mars de chaque année, le Burundi se joint aux autres pays du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour les gouvernements et leurs partenaires